ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Il voulait porter atteinte à l'honneur de ses hôtes, mais nous les privâmes de leur vue en leur disant « Goûtez donc mon supplice et mes menaces. » وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Le lendemain, au petit jour, un supplice continu fondit sur eux. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ. Goûtez donc mon supplice et mes menaces. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir ? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. Au peuple de Pharaon sont parvenus également les avertissements. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. Mais ils tinrent pour mensonges tous nos signes, et nous les emportâmes comme il sied qui est tout-puissant et omnipotent. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. Vos mécréants seraient-ils donc meilleurs que cela ? Ou bien, arbureriez-vous de quelque immunité, vous venant des Écritures ? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ. Peut-être diront-ils, nous sommes nombreux et solidaires, et nous serons vainqueurs. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. Tous seront vaincus et tourneront le dos pour prendre la fuite. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. L'heure sera plutôt leur rendez-vous, et l'heure est plus cruelle encore et bien plus amère. إن المجرمين في ضلال وسعر. Les coupables sont en plein égarement et livrés à la démence. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Le jour où ils seront dans le feu, traînés sur leur visage, il leur sera dit, goûtez donc la chaleur de l'enfer qui maintenant vous touche. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Nous avons tout créé selon un décret. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Notre ordre ne procède que d'un mot, un seul, aussi rapide que l'éclair. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. Nous avons déjà fait périr des peuples qui vous étaient semblables. Est-il donc quelqu'un pour y méditer ? وكل شيء فعلوه في الزبر. Tout ce qu'ils ont fait est consigné dans les registres des bonnes et mauvaises œuvres. وكل صغير وكبير مستقر. Toute action, qu'elle soit petite ou grande, y est inscrite. Les gens pieux seront au milieu des jardins et des rivières. Dans une demeure de vérité, auprès d'un roi omnipotent.